Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 81. De l'usage que le Christ a fait de l'Eucharistie. Jésus-Christ a pris lui-même son corps, il l'a donné à Judas. En quel état était son corps quand il l'a donné à ses disciples? Ce qui serait advenu si l'Eucharistie avait été consacrée pendant sa mort. 1. Jésus-Christ a-t-il pris lui-même son corps et son sang? Le Seigneur Jésus, a dit saint Jérôme, fut tout à la fois le convive et l'aliment du festin. Il est certain que, commençant toujours par observer lui-même ce qu'il voulait faire pratiquer aux autres, le Christ prit lui-même son corps et son sang, avant de les donner à ses disciples. Note. Un poète a exprimé cette vérité, en disant, « Le roi qui préside à la scène, au milieu des 12 apôtres, se tient lui-même dans ses mains, il est à lui-même son aliment. » On demandera s'il est possible que le Christ soit devenu le contenu ou le contenant de sa propre personne. Ce qui est bu ou mangé, dira-t-on, se trouve contenu dans l'être qui le boit ou le mange. Si l'on admettait que Jésus-Christ est présent dans l'Eucharistie avec ses dimensions naturelles, il eût été impossible, nous en convenons, qu'il se communie à lui-même, mais, sa présence dans le sacrement se rapportant au lieu suivant les dimensions des espèces sacramentelles, et non pas suivant celles qui lui sont propres, il est partout où sont ces espèces, et comme ces espèces ont pu être dans ses mains et dans sa bouche, il n'a pas été impossible qu'il fût lui-même tout entier dans ses mains et dans sa bouche. Fin de la note. 2. Jésus-Christ donna-t-il son corps à Judas? Sans doute Judas avait bien mérité, par sa perversité, d'être exclu de la participation à l'Eucharistie, mais Jésus-Christ, modèle d'équité autant que maître habile, ne jugea pas qu'il fût convenable de séparer de la communion générale ce pécheur caché qui n'avait contre lui ni accusateur, ni preuve manifeste. S'il eût agi autrement, les ministres de l'Église auraient dû l'imiter plus tard, et Judas, poussé à bout par un tel procédé, en aurait peut-être pris occasion de se rendre plus coupable encore. Notre Seigneur, en tant que Dieu, connaissait très bien l'iniquité de ce traître, mais il ne la connaissait pas par les moyens humains dont les hommes peuvent user, et voilà pourquoi il parut l'ignorer. Note. Ce ne fut pas dans le morceau de pain trempé que Judas reçut le corps de notre Seigneur, la communion avait précédé cette action, comme le prouve la narration de saint Luc. Fin de la note. 3. Le corps de Jésus-Christ était-il à l'état d'impassibilité quand il le prit lui-même et le donna à ses disciples? Innocent III dit, Jésus-Christ donna son corps à ses disciples à l'état où ce corps se trouvait. Il est évident que les apôtres reçurent alors, sous les espèces sacramentelles, le même corps du Christ qu'ils voyaient de leurs yeux sous sa propre forme. Ce corps, qui était sur le point de subir la mort, n'était assurément pas impassible, mais, quoique passible en lui-même, il était cependant impassible quant à la manière dont il se donnait dans l'Eucharistie, tout ainsi que, bien qu'il fût visible en lui-même, il était invisible sous les voiles de ce sacrement, où les espèces seules sont susceptibles de recevoir l'action des corps environnants. 4. Si l'Eucharistie avait été conservée ou consacrée pendant la mort du Sauveur, le corps du Christ y aurait-il été à l'état de mort? Le corps de Jésus-Christ est le même quant à la substance sous les espèces sacramentelles et sous la forme qui lui est propre, bien qu'il n'y soit pas de la même manière. Si donc l'Eucharistie avait été consacrée ou conservée pendant la mort du Christ, il y aurait été présent, à l'état de mort comme sur la croix. Note. Il aurait été seul sous l'espèce du pain, et le sang aurait été seul aussi sous l'espèce du vin. Markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.